إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons l'explication du livre. Les trois fondements ou les trois principes de base de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Nous sommes arrivés à sa parole où il dit « La preuve au sujet de la peur est dans sa parole « Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » « N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes réellement croyants. » La peur est de trois catégories. La première, la peur secrète. Cette forme de peur ne doit être consacrée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, car il est le seul capable de toutes choses, et il mérite qu'on le craigne et qu'on ait peur de lui. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ce propos, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Et il a dit, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ Et qui ne craint qu'Allah. Et il a dit, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوُنَ Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Il est donc obligatoire d'éprouver de la peur envers Allah tabaraka wa ta'ala et de la crainte à l'égard de lui. Car il est le maître subhanahu wa ta'ala des cœurs. Et il les retourne comme il veut. Il est omnipotent, il est celui qui apporte le bien et le mal, celui qui donne et qui prive. Il convient donc en toutes circonstances qu'on le craigne exclusivement et que l'on ne craigne pas d'autre que lui. Plus particulièrement la peur secrète. Et la peur secrète désigne le fait qu'une personne éprouve de la peur à l'égard d'une force particulière, invisible et surnaturel, qui ne manifeste pas de signes perceptibles. C'est ce type de peur qu'éprouvent les adorateurs des tombes quand ils adorent leurs tombes, car ils sont persuadés que certaines personnes, en l'occurrence les adorateurs des tombes, ont la capacité d'agir sur l'univers en même temps qu'Allah. Et certains ont le même type de croyance à l'égard des statues, des djinns ou autres. Or, ceci constitue un acte de polythéisme majeur, de mécréance majeure. Certains croient également qu'ils ont la capacité de donner ou de priver, de faire chavirer les cœurs ou d'ôter les vies, alors qu'il n'y a aucun signe apparent à cela. La deuxième catégorie de peur, c'est la peur raisonnée, qui survient à la perception de causes perceptibles. Ce fut le cas lors de la bataille de Uhud, lorsqu'on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les mécréants s'étaient regroupés contre eux et qu'ils viendraient les combattre de nouveau. Allah révéla alors à ce sujet « Innama dhalikumush shaytanu yukhawwifu awliyaa » فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. En effet, Satan cherche à ce que les hommes aient peur de ses alliés. Il tente d'amplifier leur importance auprès d'eux, afin qu'ils en soient effrayés. Mais Allah dit, n'ayez donc pas peur d'eux, mais faites-moi plutôt confiance. Et préparez le nécessaire pour affronter les alliés du diable. Et ne vous préoccupez pas d'eux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Ainsi, cette peur qui résulte de causes perceptibles est autorisée, contrairement à la peur secrète qui, elle, est strictement interdite pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il est autorisé d'avoir peur d'un agresseur, d'un cambrioleur ou d'un ennemi, mais il convient de prendre les dispositions et les armes nécessaires pour les affronter. Et cela est indispensable. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidrakum » Ô vous les croyants, prenez vos précautions. Allah Ta'ala dit également à propos de Moussa, lorsqu'il quitta l'Égypte par peur de Pharaon et des siens. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Ainsi, cette forme de peur, issue de signes perceptibles, est autorisée. Néanmoins, il n'est pas autorisé d'éprouver une peur de l'ennemi qui amènerait jusqu'à ne pas les combattre, jusqu'à ne pas se défendre, jusqu'à ne pas défendre la vérité, jusqu'à délaisser nos obligations religieuses. Au contraire, cette peur que l'on éprouve doit inciter à se préparer psychologiquement et physiquement et à préparer le nécessaire. Et à prendre ses précautions contre ses ennemis et à s'en remettre à Allah seul pour qu'il nous donne la victoire sur eux. La troisième catégorie de peur, c'est la peur naturelle et instinctive. Il n'y a pas de mal à cela. C'est par exemple d'être effrayé par un serpent, un scorpion ou une bête féroce. Dans ce cas, l'attitude à adopter consiste à s'en éloigner ou à tuer la bête et à s'écarter des endroits qui sont source de danger pour ne pas subir de mal. Ceci est nécessaire. Allah tabaraka wa ta'ala a suscité chez l'homme une peur instinctive des choses nuisibles afin qu'il s'en protège. L'être humain qui a peur du froid porte des habits épais et celui qui a peur de la faim se nourrit. Celui qui a peur de la soif s'abreuve. Toutes ces choses sont tout à fait naturelles et permises. Puis, le Cheikh, rahimahullah, cite « La preuve au sujet de l'espoir est dans sa parole. « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ici, quand il cite la preuve au sujet de l'espoir, c'est-à-dire la preuve que l'espoir est une forme d'adoration. Comme auparavant, la preuve au sujet de la crainte ou de la peur, c'est-à-dire la preuve que la peur est une forme d'adoration. Donc là, il cite toutes les preuves que c'est les actes du cœur font partie des adorations. Et quand elles sont vouées à autre qu'Allah, on a donné un associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant l'espoir, qui est une forme d'adoration, il s'agit là d'espérer en Allah et d'avoir une bonne opinion de lui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le sens que celui qui espère la rencontre de son Seigneur fasse bonne œuvre et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ainsi, le fait de désirer ardemment sa rencontre et d'avoir espoir en sa récompense sont tous deux des formes d'adoration. Allah Azza wa Jalla a dit également إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir intense et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. En outre, l'espoir, الرجاء, et le désir intense, الرغبة, sont des notions similaires. De même que sont la peur, al-khawf, et l'effroi, al-rahba. Toutes sont des adorations et toutes doivent être vouées exclusivement à Allah tabarak wa ta'ala. Aussi, il est nécessaire que le serviteur ait une bonne opinion de son Seigneur, tout en exécutant les moyens légiférés dont il dispose pour atteindre son objectif. En effet, une pensée optimisée de son Seigneur, associée à la mise en œuvre des causes nécessaires pour obtenir son but, n'apporte que bien et miséricorde au serviteur. Cela le conduira au paradis et lui expiera ses péchés. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite la preuve au sujet de la confiance totale est dans sa parole. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. On voit ici que le fait de placer sa confiance en Allah, التوكل, est une adoration. Elle consiste à se reposer entièrement sur Allah et à compter sur lui, tout en effectuant les moyens nécessaires pour parvenir à son objectif. Ainsi, la personne s'en remet totalement à Allah, pour qu'Allah Ta'ala le préserve du mal et qu'il l'immunise contre les tentations, pour obtenir sa subsistance, pour entrer au paradis, pour échapper à l'enfer, tout en effectuant les actes légiférés pour cela. Allah a ainsi dit dans le sens, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et il dit aussi dans le sens, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Puis le Cheikh cite dans son épître, la preuve au sujet du désir intense, de l'effroi et du recueillement, est dans sa parole إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir intense et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc ici, il en est de même pour le désir intense, rahba, pour l'effroi, rahba, le recueillement, al-khushu'. Celles-ci sont toutes des formes d'adoration. Allah a dit au sujet des prophètes et des personnes pieuses qu'ils concouraient au bien et qu'ils invoquaient Allah par désir intense et par crainte, et ils étaient humbles devant Allah. C'est-à-dire, ils invoquaient Allah en ayant peur de lui. Et il se recueillait à lui pour sa grandeur et s'humiliait devant lui, subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh cite dans son épître, la preuve au sujet de l'effroi est dans sa parole, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne soyez pas effrayés d'eux, mais soyez effrayés de moi. Et la preuve au sujet du repentir est dans sa parole, وَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Le repentir est aussi une forme d'adoration. Elle consiste à revenir vers Allah, lui demander pardon et se tenir droit sur la voie de son obéissance. Elle consiste à regretter le manquement, le péché que le serviteur a accompli, ou bien le manquement dans une obligation qu'il a eue. Ainsi, il est obligatoire pour tout un chacun de se repentir à Allah, de revenir à lui et de lui demander pardon et de persister dans son obéissance. D'ailleurs, le repentir, le pilier le plus important du repentir est le regret. Le regret. Celui qui ne regrette pas son acte ne s'est pas repenti. Celui qui regrette son acte met l'intention de ne plus jamais y revenir. Et il le cesse sur le champ. Et de ce fait, il aura accompli son repentir. Puis le Cheikh rahimahullah cite la preuve au sujet de l'imploration d'aide. Et dans sa parole, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. Ainsi que le hadith, si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Donc implorer l'aide est aussi une forme d'adoration. Comme Allah Ta'ala l'a dit dans le verset cité de Al-Fatiha, de même que dans le hadith. Chaque serviteur doit demander l'aide à Allah en disant à titre d'exemple, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à me montrer reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Ou en disant, Allah, aide-moi à t'obéir. Ou en disant, oh Allah, aide-moi dans toute bonne chose. Il est donc nécessaire au serviteur de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute chose importante. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important si ce n'est l'obéissance d'Allah? Même pour obéir à Allah, nous avons besoin de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh cite la preuve au sujet de la demande de protection et dans sa parole, « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ » dit « Je recherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. » Ainsi que sa parole, « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. » La recherche de protection est aussi une forme d'adoration. Elle consiste à rechercher une protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous les maux, en se réfugiant vers lui. Comme il a dit, « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. » Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. » La demande de protection contre le shaytan, contre toute chose nuisible, contre les ennemis, etc., est un acte indispensable, puisque nous en avons reçu l'ordre, comme dans sa parole, « Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah » Et si jamais le diable t'invite à faire du mal, cherche refuge auprès d'Allah. Puis le Cheikh cite dans son épître la preuve au sujet de la demande de secours est dans sa parole. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous répondit aussitôt. Donc la demande de secours est aussi une forme d'adoration. Elle consiste par exemple à implorer le secours d'Allah lorsqu'on se trouve dans des difficultés face à un ennemi, ou bien à demander qu'il fasse descendre une pluie bénie, ou qu'il soulage d'une peine et dissipe un malheur. Comme Allah Ta'ala a dit donc dans le verset qu'on a cité, « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ » Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous répondit aussitôt. Puis le Cheikh a cité la preuve au sujet du sacrifice ou l'immolation est dans sa parole, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Dis, ma prière, mes rites de sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. Nul n'est associé à lui. Voilà ce qu'il m'a été ordonné de faire et je suis le premier des soumis. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'anallahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse quiconque sacrifie pour autre qu'Allah. Ici dans ce verset, quand il dit mérite de sacrifice, ça veut dire mon immolation. Nusuki, c'est l'immolation, le sacrifice de la bête. Donc, on tire de ce verset la preuve que le sacrifice doit être pour Allah seul. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah a donné un associé à Allah. Qu'il a sacrifié pour un djinn, qu'il sacrifie pour agrandir le nom d'une personne vivante ou morte, qu'il sacrifie pour un sorcier, qu'il sacrifie et étale le sang avant de rentrer dans une maison ou autre, car il le fait en réalité pour le djinn, tout ceci est du sacrifice pour autre qu'Allah et c'est du shirk. Puis le cheikh cite la preuve au sujet du vœu est dans sa parole. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. De même, le vœu fait partie des actes d'adoration. Allah a dit, ils accomplissent leurs vœux. Et il a également dit, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Quelles que soient les dépenses que vous faites, ou le vœu que vous vouez, Allah le sait. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهُ. Quiconque a fait vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Mais quiconque a fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. Ainsi, le vœu est une forme d'adoration et d'obéissance à Allah, et lorsqu'on le prononce, il devient obligatoire de le réaliser. Ceci étant, formuler un vœu est déconseillé quand on le conditionne, car cela implique un engagement et suscite une difficulté, et cela implique que on agit avec Allah comme avec un être humain, donnant, donnant. Ya Allah, si tu me donnes ça, si je te donne ça, tu me donnes ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est nullement avare. Il n'a pas besoin que tu lui donnes pour qu'il te donne. Et d'ailleurs, quand tu fais une bonne action, c'est pour ton bien et nullement pour Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le vœu n'apporte aucun bien. Au final, si une personne a fait le vœu d'adorer Allah par une prière ou un jour de jeûne ou autre, malgré son caractère déconseillé, surtout s'il est conditionné, alors il lui est obligatoire de le réaliser en raison de la parole « Quiconque a fait un vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse donc ». On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.